Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. Nous sommes le jeudi 16 décembre 2021. Nous sommes en direct, il est un peu plus de 14h, il est presque 14h01. C'est Chris, vous êtes dans votre émission Fréquence Libre. Et pour cette nouvelle édition, je reçois par téléphone et toujours dans le cadre du partenariat qui existe entre Radio Gamozo et l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, Marc Evea, chanteur entre autres, qui est là pour nous parler de sa carrière de chanteur et de son tout dernier album en date, album intitulé Insolite Solo. Donc bonjour Marc. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Enchanté. Enchanté. Je pense que la liaison est bonne, ça va? Oui, pour l'instant on vous entend bien. Très bien. Impeccable. Voilà. Donc, bonjour à tous les auditeurs alors. Donc nos auditrices et auditeurs sont habitués. Avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Je suis Marc Evea, je suis artiste de Zone 4 dans l'Hérault, donc. Et je fais des concerts partout en Europe et dans les de la métropole. Je suis dans plus jeune âge destiné à faire une carrière de pianiste classique. Puis j'ai été remarqué dès que j'avais 8 ans. Je vais faire partie d'une classe d'ensemble assez célèbre. Et puis finalement, j'ai disqué sur l'envie du jazz et puis l'envie d'écouter la chanson française. Et j'avais envie d'écrire des chansons. D'accord. Et donc, avant d'aller plus loin, je tenais à remercier et à saluer Cindy de l'agence d'artistes Le Bureau de Lilith, donc la structure d'accompagnement et de promotion de projets émergents de musique actuelle, car c'est Cindy justement qui nous a mis en contact, car sans elle, cette émission n'aurait pas pu avoir lieu. Donc, si jamais elle nous écoute, merci Cindy, et on te passe le bonjour du coup. Oui, merci Cindy. Et donc, avant de parler de votre carrière et de votre album à proprement dire, quel a été votre parcours personnel? Est-ce que vous avez fait peut-être des études musicales ou est-ce que vous ne vous êtes dirigé vers la musique que plus tard? Alors en fait, moi, dès l'âge de 6 ans, j'ai été pris en main par un professeur de piano classique. D'accord. Jusqu'à l'âge de 18 ans à peu près. Donc après, à 14 ans, c'est là que j'ai été remarqué. Il y avait des tournées en fait qui se passaient, des professeurs qui cherchaient des artistes dans toute la France et j'avais été choisi, donc c'était j'étais assez fier de ça. J'avais 13 ans, hein, donc j'ai été choisi pour faire cette classe d'ensemble, mais heureusement mes parents n'ont finalement pas poursuivi parce qu'à 13 ans j'étais trop déraciné de chez mes parents. Il aurait fallu que je m'installe. C'était une sorte de sport-études en fait, version piano quoi. C'était les études et on faisait du piano classique pendant très longtemps, 8 heures par jour à peu près. Donc c'était donc c'était vraiment la classe qui était dirigée sur ce genre de travail. Et c'était une dame qui s'appelait Madame de Valmalette, qui était une très grande professeure et très grande interprète référence en classique. Et donc à partir de là, mes parents ayant refusé, moi je suis le quatrième enfant d'une famille où les gens et mes parents jouaient de la musique, hein, je dirais plus en tant qu'amateur qu'en tant que professionnel. Mais j'ai toujours été bercé moi par ce qu'ils écoutaient, à savoir des morceaux de jazz et la Fitzgerald, mais aussi de la chanson française. Et à un moment donné, vers 14-15 ans, je faisais aussi du rock and roll, du rock. J'écoutais tout ce qui existait à l'époque, les Folles, les Trust. J'étais vraiment parti aussi dans une écoute très ouverte finalement, et par rapport à ce que je faisais, je suis jamais resté dans le classique. Vraiment. Voilà, je me suis ouvert un peu aux autres musiques, et puis j'ai eu envie d'écrire tout de suite des chansons. Et à partir du moment où j'ai commencé à entendre ce qui passait à l'époque, c'est-à-dire c'était Michel Jonas, Claude Nougaro, Louis Chédid, Véronique Sanson, Alain Souchon, Laurent Voulzy, voilà, c'était cette période où c'est eux qui m'ont donné envie d'écrire des chansons. Et le premier album que je me suis acheté, c'était l'album de Michel Jonas au Théâtre de la Ville, où il y avait une introduction de piano qui me plaisait bien. J'avais envie de savoir où elle était faite. Et c'est ça qui m'a donné envie pour la première fois d'écouter, d'acheter un album et d'essayer de refaire ce que j'entendais. autre que du classique, en fait. Voilà. D'accord. Donc, nous en parlerons un tout petit peu plus tard dans cette émission, mais du coup, vous avez écrit pour de nombreux artistes. Mais vous, en tant que chanteur à proprement parler, est-ce que cet album Insolite Solo, est-ce que c'est votre premier album ou est-ce que vous en avez déjà d'autres à votre actif? Ah non, c'est le quatrième. D'accord. Moi, j'ai commencé, voilà, c'est le quatrième album. Alors, Insolite Solo, ça a été fait dans des conditions un petit peu particulières. C'était que, ben voilà, il y avait la crise sanitaire qu'on connaît bien. Et à un moment donné, ben, ça a été plus compliqué pour moi. Moi, j'ai un studio d'enregistrement qui est attenant hein, chez moi. Et je faisais venir jusqu'à présent pour faire des albums. Je suis plutôt collectif, donc j'appelais un batteur, un bassiste, etc. Et là, durant cette période, c'était quand même pas très facile. Et j'avais envie d'enregistrer. Donc j'ai créé le premier titre où il y a eu le premier clip qui s'appelle Le métier d'optimiste. Et ce premier titre a tellement eu de retours sur les réseaux sociaux que ma maison de disques m'a demandé de faire l'album complet comme ça. C'est-à-dire, par contre, comme je n'avais personne, j'ai fait tout moi-même. C'est la première fois que je fais ça. Tous les chants, tous les instruments, toutes les parties rythmiques, avec ce que j'avais sous la main, j'avais des percussions, je tapais sur la guitare, je faisais des percussions vocales, et c'est comme ça qu'est né cet album qui s'appelle justement Insolite Solo, pour ça en fait, parce que j'ai créé tout seul, donc Insolite Solo au pluriel quand même, parce que voilà, il y a plusieurs solos bien entendu, mais c'est un peu le... Et en fait finalement d'une contrainte, c'est devenu une démarche artistique, puisque j'étais content près de la couleur que j'entendais, et ça donnait quelque chose, on ne peut plus, personnel. D'accord. Donc oui, solo au pluriel, comme vous le dites, parce que dans cet album, il y a 12 morceaux, 12 titres. Oui. Voilà. Et donc, quand est-ce que cet album, vu comme vous l'avez dit, c'était dans un contexte un petit peu particulier, donc quand est-ce qu'il est sorti exactement? Il est sorti le 12 novembre dernier, donc c'est il n'y a pas très longtemps. Hein. C'est il y a un peu plus d'un mois. Et par contre, il a été créé dans les 6-7 mois qui ont précédé. Donc là, on était en plein dans les restrictions. C'était un peu compliqué, mais bon, on prenait notre mal en patience. Et finalement, moi, ça a donné quelque chose de positif parce que ça m'a poussé à créer d'une façon que je n'avais jamais fait auparavant, en fait. Voilà. D'accord. Donc cet album, du coup, avec Bloc-Notes Production et Inouï Distribution. Voilà. Oui, exactement. Et donc, en préparant cette émission, notamment grâce au dossier de presse que m'a gentiment envoyé Cindy en amont, j'ai eu l'occasion de lire que depuis... parce que vous pratiquez la musique depuis plusieurs décennies, donc depuis ces décennies, vous avez joué sur de grandes scènes, sur des scènes marquantes, comme par exemple les Francofolies de La Rochelle, le Printemps de Bourges, ou encore le Festival International Jazz à Montreux. Voilà, ce sont des souvenirs qui vous ont laissé une empreinte, qui ont laissé une empreinte dans votre carrière et dans vos titres. Ah oui, ça c'était... Moi, j'ai eu, par exemple, les Francofolies de La Rochelle, c'était le regretté Jean-Louis Foulquier, qui j'ai une confiance, qui m'a fait confiance, en fait, qui m'a dit, non seulement j'aime bien ce que tu fais, je fais confiance, mais tu vas ouvrir le festival. Donc j'ai ouvert le festival, les Francofolies de La Rochelle, cette année-là. Et puis c'était un grand moment parce que c'était noir de monde en face, il y avait des personnes qui étaient importantes pour moi et bien sûr les gens, des professionnels après, grâce à ce passage qui s'était très bien passé, ben j'ai pu faire des concerts après pendant 2 ou 3 années qui ont suivi. En ce qui concerne le festival Jazz à Montreux, alors là c'était encore mais des souvenirs absolument incroyables parce que il faut se rendre compte que la programmation de ce festival-là, elle est internationale et on n'était que 3 Français cette année-là à être programmés, donc c'était énorme. Et je passais justement sur la scène mythique qui est la scène en extérieur mythique, parce qu'il n'y en a qu'une. Après tout, le festival se passe plus en intérieur, mais la scène mythique extérieure, c'est ce qu'on appelle le parc Vernex, je m'en souviendrai toujours, en face du lac Léman. Et là, derrière nous, il y a ce panneau mythique avec écrit Jazz à Montreux d'une certaine... Avec ce graphisme, et puis je me retrouvais là en train de jouer. Je me souviendrai toujours, je descendais les escaliers pour monter sur scène, et puis celui qui montait les escaliers, c'était George Benson, par exemple. Je lui ai pas parlé, mais je le croisais, alors j'étais très intimidé, mais pour moi, c'est des souvenirs incroyables. avec un retour public aussi formidable, où je chantais mes chansons, les gens, je demandais ce que les gens reprennent quelques refrains, et puis c'était tellement, ils reprenaient tellement fort, il y avait tellement de monde que presque j'étais submergé par le niveau sonore et l'émotion, je m'en souviendrai toujours. Ça m'a laissé vraiment des souvenirs incroyables. D'accord. Donc, comme vous l'avez dit, vous faisiez partie du coup des trois Français qui étaient présents lors de ce festival. Donc, j'imagine que c'est quand même assez gratifiant. Ah oui, c'était plus que gratifiant. C'est-à-dire que on était dans une dynamique. Parce que si vous voulez, quand on est artiste, on est toujours en proie un petit peu au doute. Hein. Nous, on va un peu au contact des gens. On n'est jamais sûr hein, de ce qu'on fait. Vous savez, même quand on décide de chanter et de créer, on le décide un peu du jour au lendemain. On se dit, je vais essayer d'écrire des choses et je vais voir si ça touche les gens. Et quand on voit que en mon cas, non seulement ça a touché les gens, mais j'avais aussi le l'aval et la reconnaissance de certains professionnels qui m'ont fait confiance. Et quand on voit la dimension de la sélection qu'il peut y avoir dans le Festival du Jazz de Montreux, qui est un exemple, hein, comme beaucoup d'autres festivals, hein, parfois qui ont une sélection internationale. Ben moi, j'étais particulièrement touché, ému, et surtout, j'avais envie de continuer, et ça me donnait vraiment envie de continuer l'aventure, et ça me donnait une réponse, si vous voulez, dans ma carrière, qu'il faut que je continue, que ça fonctionne, que voilà, qu'on a beau ne pas être vraiment sous les feux de la rampe, comme beaucoup d'artistes qu'on voit tout le temps dans les médias, etc. Moi, ça n'a jamais été trop mon cas, mais quelque part, le retour public est tellement conséquent que je n'ai jamais arrêté de toucher les gens en faisant des spectacles. Et c'est ça qu'il faut que les gens retiennent aussi. Parfois, je discute avec des personnes et je leur dis, vous savez, il y a un autre monde artistique qui est en dehors de celui qu'on voit dans les médias, qui est très bien aussi, mais il y a beaucoup de gens qui sont dans mon cas et qui finalement ont le contact et le retour public. Et comme je leur disais, on n'est pas masochiste. Si ça ne marchait pas, on aurait déjà arrêté. Et donc ça veut dire qu'il y a tout un vivier de gens, de chanteurs, de artistiques, où il y a des gens qui ont vraiment du talent et il faut essayer d'aller les voir, d'aller écouter, d'aller dans des petites salles, même si on n'entend pas parler d'eux, en fait, voilà. Bien sûr. Et donc, dans votre grande carrière jusqu'à présent, vous avez également eu l'occasion de faire les premières parties de grands artistes comme Charlie Lee Couture, Michel Jonas, dont vous parliez un peu plus tôt, Jeff oui. Beck ou encore Didier Lockwood, dont on salue oui. la mémoire. Je crois qu'il est décédé en 2018, me semble-t-il. Donc, oui, il n'y a pas très longtemps. Oui, ça m'a fait quelque chose, bien sûr. Bien sûr, j'imagine. Donc, comment se sont passés, je ne sais pas, est-ce que vous aviez été directement en contact avec les artistes pour faire leur première partie? Alors, vous savez, ça se passe des fois. Alors, c'est un peu, c'est un peu au bon vouloir de l'artiste, parce que ça se passe des fois par production interposée, ou les productions communiquent. Mais en tout cas, c'est toujours une acceptation de l'artiste quand on est en première partie. L'artiste a accepté qu'on y soit. Donc, il y a quand même un geste amical de l'artiste qui, lui, va finalement être la locomotive et va amener du monde dans la salle. Et donc il y a toujours ce lien quand même qui est assez fort. Et après, c'est vrai que le jour du spectacle, alors parfois ça dépend de la concentration des artistes, il y en a qui préfèrent être un peu plus dans leur bulle, et là à ce moment-là je vais pas les déranger, mais il y a parfois, on s'est retrouvé avec Charlie Lee Couture par exemple, on s'est retrouvé un peu plus après le spectacle, il devait pas repartir tout de suite, donc on a pu échanger un petit peu avec Michel Jonas par exemple. Lui, il était arrivé un tout petit peu plus tard, les musiciens avaient fait la balance, etc. On s'est pas trop parlé, mais moi j'ai une telle admiration, de toute façon j'aurais pas su quoi lui dire, parce que j'ai une telle admiration pour cet artiste que voilà, ça va de soi. Et quant à Didier Lockwood, oui, j'avais échangé aussi avec les musiciens. Il y a une artiste aussi avec laquelle j'ai échangé, c'était Liane Folly, où j'avais fait sa première partie aussi. Mais après on respecte, on voit très bien que chacun a sa préparation, moi aussi d'ailleurs, souvent ça se passe un peu après, parce que avant c'est toujours un peu compliqué, tout le monde est dans sa concentration. Je pense quelquefois quand la production ou l'organisation fait qu'on peut se retrouver autour d'une table après, c'est là que souvent qu'on peut échanger, c'est toujours très intéressant.

le métier d'artiste. Et vous êtes de retour sur Radio Guémozo pour la suite de l'émission, bien sûr, pas pour la fin, on a encore du temps ensemble. Vous êtes donc du coup toujours en direct, il est 14h20 et vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio ou encore sur notre site internet https://radioguémozo.radio-website.com/ partout en France. Vous venez d'écouter Marc Evea avec son morceau Le métier d'optimiste, tiré de son tout dernier album en date, album intitulé Insolite Solo, sorti le 12 novembre dernier. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Marc Evea, justement, qui est là pour nous parler, entre autres, de ce tout nouvel album. Ça va toujours ? Oui, ça va très bien, oui. Parfait. Merci. Donc, avant d'aller plus loin, quels sont vos objectifs, vos messages que vous voulez transmettre à travers ce titre, Le métier d'optimiste ? Alors, bon, comme son nom l'indique, je parle donc de l'optimisme, mais alors, justement, certaines personnes ont été touchées par ce thème, parce que je trouve que l'optimisme, c'est quelque chose qui nous manque un petit peu, le côté positif des choses. On a toujours tendance, si vous voulez, dans la société, enfin pour moi, hein, c'est mon avis, à considérer que les gens positifs sont un peu des imbéciles heureux, des gens qui réfléchissent pas, qui sont un peu utopistes, qui voient tout en rose, etc. Alors que pas du tout, moi je pense que le positif c'est un moteur et qu'on en a vraiment besoin dans la vie, dans la société, etc. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de problème, il y a des problèmes partout, mais si on regarde les choses en fait de façon un peu juste, on s'aperçoit, enfin je sais pas si vous serez d'accord, mais on s'aperçoit que on vit quand même dans une société qui est relativement douce, en fait dans un pays qui est relativement doux, mm-hmm. même s'il y a des soucis, des problèmes. Et moi j'avais envie de parler de ça parce que je trouve qu'il y a un petit déficit, c'est ce que je ressens, c'est pour ça que j'ai écrit cette chanson. Il y a un petit déficit de positif, d'optimisme et de confiance qu'on peut avoir les uns dans les autres. C'est ce qui se passe. Moi je vois beaucoup de gens qui n'ont pas véritablement confiance, je trouve, soit en eux, soit aux autres. Confiance en l'autre, c'est tellement important. Dans la vie, c'est enfin pour moi, hein, c'est l'emploi, c'est la confiance, c'est l'économie, c'est tout quoi. Sans la confiance, on peut pas faire des choses. Et moi, je suis partisan du fait que être optimiste et être positif, hein, je dirais, c'est ça attire les choses qui sont, ça attire le bonheur. Alors que il ne faut pas attendre que les choses aillent au mieux pour être heureux. Vous voyez, il faut être heureux d'abord pour que les choses aillent au mieux. Mmh. Oui, je suis assez d'accord là-dessus parce que justement, ouais. L'être humain, on va faire une généralité, on va pas citer des cas, mais oui, l'être humain en général, il a souvent tendance plus à se concentrer sur ce qui est noir, ce qui est négatif, plutôt que sur ce qui est positif. Et donc, comme vous le dites, le cerveau, il a ce pouvoir de ne pas pouvoir ressentir deux émotions en même temps. Donc, du coup, c'est à nous de peut-être le travailler pour voir le positif plutôt que le négatif, parce que la vie est quand même belle malgré tout ce qu'il peut y avoir autour. Oui, bien sûr. Et vous savez que, comment dire, il y a des études, hein, qui ont été faites où des gens qui ont des pensées positives font des circuits neuronaux qui ont été, voilà, scientifiquement prouvés et qui leur amènent un état assez heureux, en fait, tout simplement. Et alors, voilà, sans pour autant passer pour l'illuminé qui va dépeindre tout en rose, c'est pas du tout ça. Et surtout, moi, dans mon métier, et c'est pour ça que j'ai parlé de l'optimisme et le métier d'optimiste, c'est parce que je me disais, moi, si l'optimisme était un métier, je pense que j'aurais mon diplôme, parce que je passais mon temps, je me souviens, à la sortie des spectacles, parce qu'il y a beaucoup de relations humaines, qui des spectacles, les gens viennent me confier leurs émotions, etc., et je m'étais rendu compte que je passais mon temps, des fois, à remonter le moral de gens qui ont toujours beaucoup plus que moi. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, ça, c'est vraiment l'optimisme dans son plus simple appareil. Et c'est cette idée qui m'est venue. Puis après, la chanson s'est terminée, hein, parce que j'ai pu la terminer, parce qu'il y a des fois, on a des idées, puis ça va pas véritablement au bout. Et puis là, cette chanson, j'ai... Après, on sait plus, hein, c'est l'inspiration. Je me suis laissé un petit peu porter, puis je suis arrivé à écrire cette chanson jusqu'au bout et les gens ont été touchés et ça m'a vraiment ému, hein, que les gens soient touchés par ce sujet. J'ai eu beaucoup beaucoup de retours et ça c'est vraiment quelque chose qui m'a agréablement surpris. C'est vrai, parce que en faisant mes recherches, du coup, en préparant cette émission, je suis également allé voir le clip, car il y a un clip, du coup, comme on le disait avant, la pause musicale de ce morceau sur oui. Internet, et j'ai vu, c'est vrai que j'ai vu plusieurs commentaires qui, de personnes, de spectateurs, d'auditeurs, qui vous disaient merci de cette bonne humeur, etc., etc. Et donc c'est vrai que c'est, ça aussi, j'imagine que c'est assez gratifiant pour un artiste d'avoir autant de retours positifs. Ah oui, et puis des gens qui m'écrivent vraiment des phrases, des mots. Moi, je m'attendais à avoir des pouces en l'air, vous voyez, comme tout va vite, hein, dans les réseaux sociaux, etc. Non, les gens prenaient vraiment le temps de m'écrire quelques phrases. Enfin, c'était vraiment, vraiment touchant avec les raisons pour lesquelles ça les a touchés, ce sujet-là. Et que, voilà, on devrait en parler un peu plus. Moi, j'ai même entendu qu'il y avait il existait des nouveaux médias de jeunes qui s'aiguisent sur Facebook et sur les réseaux sociaux. Le média, c'est un positif média. C'est-à-dire, tout ce qui se passe dans le monde qui est positif. Et ils ont des millions d'abonnés et je trouve ça intéressant. J'ai entendu, alors j'ai pas le nom exact, mais j'avais entendu ça, j'ai trouvé ça très intéressant de, voilà, qu'on sache aussi que c'est un moteur, voilà, c'est un moteur à l'existence, et que c'est important de savourer ça, ce qui veut pas dire qu'après, une conscience aussi, qu'il y a des choses qui vont pas et qu'il faut améliorer, ça c'est sûr, mais ça n'est pas en focalisant sur le négatif qu'on, justement, on va s'en sortir. Moi je pense plus au contraire, quoi. D'accord. Donc, on va reprendre du coup le cours de cette émission. Donc, vous l'avez surtout dit quand vous vous êtes présenté. Donc, vous n'êtes pas seulement chanteur, vous êtes aussi arrangeur et vous avez été auteur pour des musiques de spectacles et pour une cinquantaine d'albums pour d'autres artistes. Donc, pourquoi avoir pris la décision de faire ça, de ne pas être que, entre guillemets, chanteur et auteur de vos propres textes? Alors, ça c'est totalement le hasard. D'accord. Parce que au tout début de ma carrière, hein, je commençais à écrire des chansons, à jouer, parce que j'ai été musicien d'accompagnement, des fois forcément je commençais ma carrière. Et tout de suite j'ai eu une sollicitation pour écrire des arrangements. Alors l'arrangement, il faut expliquer ce que c'est une personne qui a une chanson qui a une, des fois que le début de la mélodie, que la fin, il n'y a jamais pas terminé, et c'est une personne qui vient par exemple juste accompagnée de sa guitare ou de son piano, enfin, ou d'un instrument, qui chante juste sa chanson, qui vient l'enregistrer, qui chante juste sa chanson, et puis qui me donne des indications en disant, ben voilà, pour faire quelque chose d'étouffé et de construit, j'aimerais entendre sur ce titre-là des violons, une batterie, de la basse, enfin tout un accompagnement. Et c'est vraiment le travail de l'arrangeur commence là, quoi. C'est toute l'écriture musicale qui va colorer la chanson de la personne. Et quand j'ai vu que j'avais de la demande, j'ai passé le concours de la SACEM, etc., que j'ai eu. Et puis, je pensais pas d'ailleurs que ça allait durer, hein. Je pensais que j'allais faire des arrangements quand on me le demandait, donc de façon très ponctuelle. Et finalement, ça ne s'est jamais arrêté. Ça n'a jamais désempli parce que les gens étaient heureux de ma façon de travailler. Et du coup, effectivement, hein, tout ça ne s'est pas fait en un jour, mais je suis présent sur presque même, peut-être même un peu plus maintenant, une soixantaine d'albums, plus des musiques de spectacle, des publicités, enfin il y a eu beaucoup de choses. Et à mon grand étonnement, moi je continuais toujours de toute façon à faire mes spectacles, à aller à la rencontre du public, mais j'ai eu toujours cette demande, tout simplement, et donc du coup j'ai continué. D'accord. Et donc justement, en parlant d'arrangement, vous avez, me semble-t-il, écrit les arrangements et avez également chanté dans le spectacle intitulé « Les voix liées chante Nougaro a cappella », qui est d'ailleurs devenu le spectacle référence des chansons de Claude Nougaro, dont on salue la mémoire. Oui, bien sûr. Alors, ça c'était un moment extraordinaire aussi. Donc on monte ce spectacle, alors c'était un spectacle particulier parce que c'était a cappella, c'est-à-dire il n'y avait pas d'instrument, c'était que des voix. et de la mise en scène, en fait. Il y avait trois interprètes féminins et moi, donc j'étais le seul homme. Et donc en fait, il fallait dire vraiment quelque chose pour un groupe vocal. Donc j'ai écrit quelques arrangements de certains titres. On était trois arrangeurs à travailler sur ce spectacle. Et surtout, de fil en aiguille, le spectacle s'est mis à très très bien marcher et c'est devenu un spectacle référence. Du coup, Claude Nougaro en a entendu parler et puis un jour, il décide de venir le voir. Et on sait au moment où on va rentrer sur scène que Nougaro est dans la salle. Et moi, j'avais un moment mythique où je chantais cette chanson qui s'appelle Cécile de Claude Nougaro. Je faisais le couplet dans un rond de lumière. Et je redoutais ce moment parce que c'est un moment mythique de l'artiste et je me dis mais comment ça va se passer. J'étais un peu pétrifié, enfin je pars dans les loges et puis finalement sur scène il y a une sorte de lâcher prise. J'ai senti beaucoup de bienveillance en fait de sa part, et à la fin quand il vient et qu'il me serre dans ses bras à la fin du spectacle pour me féliciter parce qu'il a été ému, franchement moi ça m'a, j'oublierai jamais, ça m'a touché. Et du coup j'ai même écrit une chanson après, alors sur mon avant-dernier album, qui s'appelle Nos liens de chant, et c'est cette histoire que je raconte de rencontre avec Claude Nougaro, et sa famille justement est toujours en lien avec moi, j'étais pour avoir écrit cette chanson qui les a touchés aussi. Donc franchement c'est une merveille, et puis cet artiste m'a tellement marqué aussi, je l'ai beaucoup écouté, enfin, je trouve ça d'une richesse incroyable, autant poétique que musical, voilà. Et donc c'était un très très très grand moment pour moi, et assez rare, ces moments sont quand même assez rares, d'être soi-même sur une scène et d'avoir l'auteur dans la salle, c'est très rare. D'habitude les rôles sont inversés, c'est nous qui sommes dans le public et lui sur scène. Donc, bien sûr. Donc voilà, c'était un moment très particulier et que j'oublierai jamais. Et puis même Claude Nougaro, c'est quand même un chanteur assez intergénérationnel. Je veux dire, je pense que tout le monde, dans nos auditrices et auditeurs, ou même ceux qui ne nous écoutent pas forcément, tout le monde a déjà entendu au moins une fois une chanson de Claude Nougaro, que ce soit Armstrong ou encore Toulouse. Bien sûr. Moi, je pense que ça, les chansons sont très bonnes, donc ça passe les générations. Les gens sont sensibles à la poésie et c'est pas incompatible avec écouter du métal ou d'autres musiques. Et puis surtout maintenant, quel bonheur de pouvoir cliquer comme ça sur Internet et puis on se retrouve à écouter les musiques du monde entier si on veut, des chansons. Il y a une diversité qui s'offre à nous qui est quand même formidable et franchement, ça crée une ouverture. Et ça, je trouve ça extrêmement, extrêmement positif pour les jeunes générations en tout cas. Mais c'est vrai ce que vous dites, hein, beaucoup de gens connaissent au moins une de ces chansons et c'est déjà gagné parce que ça a traversé toutes les générations et je pense que c'est pas fini. Ah, je pense aussi. Et donc, du coup, toujours dans le dossier de presse que m'a gentiment envoyé Cindy en amont de cette émission, j'ai eu l'occasion de lire que dans vos morceaux, vous développez une énergie débordante. Est-ce que c'est important pour vous d'être énergique dans vos morceaux et sur scène? Et si oui, pourquoi? Alors en fait, c'est... Alors l'énergie, c'est une sorte d'aller-retour, vous voyez, la rencontre doit se faire entre l'artiste qui est sur scène. Mais ça, on en parle souvent en tant qu'artiste. Tout le monde est d'accord avec ça. Quand on monte sur scène, même s'il y a des jours où on peut se sentir un peu moins bien ou avoir un peu moins d'énergie, en fait, c'est une sorte de ping-pong un peu indéfinissable où on commence à chanter une chanson, à véhiculer une sorte d'énergie, une sorte d'émotion. Des fois, les rythmes sont rapides. Moi, dans mon répertoire, par exemple, sur scène, il y a des chansons qui sont très lentes, d'autres qui sont plutôt funk, plutôt groove, qui envoient, qui tournent, etc. Et quand on voit que les gens nous renvoient à quelque chose, ça nous redonne de l'énergie, qu'on leur renvoie aussi. C'est une sorte de ping-pong. Et ça, c'est... Et moi, bon, bien sûr, je suis pas le mieux placé pour en parler, mais tous les gens qui sortent après le spectacle, qui viennent me parler, me disent ça, me disent qu'il y a un soleil qui arrive en eux, il y a une énergie que je leur envoie, et ça c'est un peu indéfinissable, hein. Je passe mon temps à... Nous, on travaille, hein, avec les musiciens qui m'accompagnent, on travaille beaucoup d'arche-pied, des enchaînements, ce qu'on appelle la mise en scène musicale, pour faire des allers-retours, pour qu'il se passe toujours quelque chose, pour qu'il y ait toujours dans le propos, dans la musique, quelque chose qui véhicule une force, une énergie, une émotion, et comment quand j'ai de tels retours, ben je suis assez satisfait de ça, parce que c'est le principe de ça, de la scène. On n'est pas du tout dans une dimension esthétique, si vous voulez, où il y a le public qui regarde un artiste dans toute une esthétique. Il en faut, bien sûr, avec les lumières et tout ça, mais on n'est pas que dans ça. Il n'y a pas ce qu'on appelle le quatrième mur, quoi, c'est-à-dire l'écran qui... Comme si l'artiste qu'on voyait était derrière un écran. Là, c'est pas ça du tout. Le spectacle vivant, au contraire. Il y a beaucoup d'interactions. Et c'est ça qui pour moi, est le moteur et le principal. Donc, cette énergie, elle vient un peu des deux. D'accord. Donc, il est 14h, presque 36. Avant de poursuivre à nouveau, je vous propose de nous lancer tout de suite dans une nouvelle fréquence musicale, dans un deuxième morceau de votre album Insolite Solo, et que nous écoutions cette fois, je regarde l'album en même temps, le morceau numéro 6 de l'album, morceau intitulé « Ma chanson ne t'intéresse plus ». Voilà, est-ce que ça vous va qu'on écoute ce morceau ? Très bien, absolument. Parfait. Alors, on écoute Marc Evea et son morceau « Ma chanson ne t'intéresse plus », et du coup, on en parle juste après. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Je fredonne, mais ma chanson ne t'intéresse plus. Et à t'entendre, c'est foutu. Moi qui avais mis tout mon cœur pour te donner tout en douceur, un peu de sel contre le miel, un peu de ciel contre le fiel. Elle est retombée tout à plat, comme un appel qu'on n'entend pas. Ma chanson ne t'intéresse plus. Moi qui croyais que tu aurais voulu chanter le duo de la vie et enflammer les interdits qu'on écrirait. Mais à l'entrée de notre nid, elle s'est éteinte sans faire de bruit. Mes chansons ne t'intéressent plus. Que je change, il aurait fallu, pour sortir un peu de la marge, redevenir un peu plus sage, être moins irrévérencieux, être moins seul quand on est deux. Redonner une chance à mes mots qui sont déjà tombés à l'eau. Alors je fredonne, mais mes chansons ne t'intéressent plus. Je me suis trompé d'inconnu, quand je pensais trouver en toi un amour qui ne tremblait pas, mais il t'a chanté à l'oreille un couplet de monts et merveilles qui rend torride les canapés, tout comme un tube de l'été. Mes chansons ne t'intéressent pas, mais je les écris toujours pour avec tes mains sur mon piano qui vibre du bas de son dos. Un jour, je t'en chanterai une qui de la terre ou de la lune soufflera l'embrun du frisson sur ta corde sensible mais sans son. Tu fredonnes. Du bout des lèvres, cette petite fièvre. Ouh, tu fredonnes. Ouh, du bout des lèvres, cette petite fièvre. Ouh. vous êtes de retour sur Radio Gémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h40. Vous nous écoutez sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio ou encore sur notre site internet partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Vous venez d'écouter Marc Evea avec son morceau « Ma chanson ne t'intéresse plus ». Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Marc Evea justement qui est là pour nous parler entre autres de son tout nouvel album sorti le 12 novembre dernier, il y a donc un peu plus d'un mois maintenant, album intitulé « Insolite Solo ». Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie Marc ? Oui, très bien. Oui, merci beaucoup. Parfait. Merci d'avoir choisi aussi cette chanson. Ma chanson ne t'intéresse plus. Voilà, qui est une chanson que je... qui est à peu près la 3 ou 4e quand je suis sur scène. Je chante ça et j'explique aux gens tout d'un coup le point de vue particulier de cette chanson. Voilà, qui est le point de vue du compositeur, vous voyez. Écrire des chansons, c'est pas facile aussi dans une histoire d'amour. C'est ce que j'essaye d'expliquer parce qu'on est pensif, parce qu'on va essayer de chercher des mots, on va chercher des émotions. C'est pas toujours compatible avec des histoires d'amour telles qu'on les connaît, avec les ressorts qu'on connaît. C'est peut-être un peu plus difficile à vivre pour la personne qui partage le quotidien de ça. Donc j'ai voulu en parler de ce point de vue-là dans cette chanson. D'accord. Donc... Excusez-moi. Donc justement, est-ce que vous diriez que d'une certaine manière, vous êtes en quelque sorte un chanteur à texte ? Alors oui, parce que oui, le propos est très important. Alors chanteur à texte, finalement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire parce que peut-être chanteur à texte parce que je mets beaucoup d'importance dans l'écriture. Jamais je partirai en disant je vais faire une chanson avec un propos. Léger et pas maîtrisé, parce que des fois les propos légers c'est bien, mais là je cherche un petit peu de consistance, si vous voulez, dans le propos. Donc effectivement on peut dire que je suis chanteur à texte, mais des fois ça a une image un peu particulière, le chanteur à texte, alors que je pense que le texte et la musique, au contraire, moi je trouve que dans la chanson j'aime bien avoir les deux, moi, c'est-à-dire le texte passe un peu par l'intellect, par le ressenti aussi, par l'aspect émotionnel, et parfois la musique, des fois quand elle est un peu entraînante, un peu groove, un peu funk, etc. Le groove c'est quelque chose de physique, vous voyez, et j'aime bien quand il y a les deux, moi, tout simplement. Donc, on peut dire je suis aussi un chanteur à texte, voilà. D'accord. Et donc, en écoutant votre album, en préparant cette émission, je me suis rendu compte, et comme nous l'avons entendu dans les deux morceaux que nous avons écoutés jusqu'à présent, que dans vos titres, c'est de la musique acoustique, qu'il n'y a pas de musique électronique, mais de vrais instruments, notamment la guitare et le piano. Donc, est-ce que c'est important pour vous de vous en tenir à la musique acoustique ? Alors là, sur cet album, c'était le parti pris, mais non, je sais pas de... Sur les albums précédents, des fois, j'ai utilisé des instruments électroniques. Ça dépend, moi, c'est quand je trouve intéressant. Et puis, c'est surtout par rapport aux propos. Moi, je me permets, en fait, quand j'écris des chansons, de pas me mettre un carcan musical, vous voyez, pour qu'on... Alors, des fois, ça joue un petit peu en ma défaveur, parce que les gens des fois aiment bien dire tel chanteur il fait tel chanteur et tel style de musique. On aime bien un peu les identifier, les mettre un peu plus dans des sortes de cases. Mais alors que bon, moi je trouve que dans l'époque dans laquelle on vit, c'est quand même bien de se dire moi je suis influencé par beaucoup de choses, beaucoup de musique que j'entends, et donc je m'autorise sur une chanson, selon le propos bien sûr, à faire une chanson plus avec un style musique du monde. Après il va y avoir des trucs plus jazz, après ça sera plutôt du piano voix, etc. Cet album de toute façon j'ai fait avec ce que j'avais, et c'est la volonté, c'était faire tout en acoustique effectivement, parce que je pouvais très bien utiliser des batteries électroniques par exemple mais sur cet album là j'avais envie de le voir plus acoustique. Donc je trouvais ça plus intéressant de créer moi-même avec ce que j'avais en tapant sur ma guitare un instrument de percussion. Je trouvais ça plus intéressant qu'avoir l'instrument de percussion qui est destiné à cet usage-là. Par exemple, souvent il y a des sortes de maracas ou de shakers. chaleur qu'il y a dans l'album, et c'est fait avec la bouche, par exemple, en faisant des choses comme ça, donc cet album, oui, je l'ai voulu plutôt acoustique, il y a même des choses, par contre, il y a des choses qui sont faites parfois avec une guitare électrique, on pense que c'est acoustique, mais parfois c'est fait avec une guitare électrique qui taffe d'une certaine façon. Et ça donne un peu, pour moi, ça donne un effet acoustique, mais dans un titre seulement. Puis après, tout le reste, effectivement, j'essaye de réfléchir. Pendant que je vous parle, non, c'est ça, non, à peu près tout a été fait, effectivement, acoustiquement. D'accord. Et donc maintenant, je vous propose que nous nous intéressions un peu plus à la pochette de cet album, parce que depuis, du coup, le début de cette émission, j'ai la pochette sous les yeux. Donc, sur cet album, sur le devant de la pochette, il y a deux couleurs, donc le bleu avec des dégradés et un peu de jaune. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette volonté, de la volonté à travers cette pochette ? Alors, en fait, la pochette, en fait, c'est une rencontre avec une artiste qui s'appelle Lydie Berido. D'accord. Et cette artiste est une plasticienne. J'avais envie. C'est la plasticienne qui est aussi présente sur mon clip. Le clip du métier d'optimiste, pour les gens qui ne l'ont pas vu, en fait, il y a toute une partie où on me voit, les prises de vue sont dans une salle de spectacle, un peu plus dans un lieu un peu plus domestique, et à un moment donné, il y a des prises de vue alternées avec des prises de vue qui sont dans un atelier de peintre, quoi, et de plasticien, et justement, on la voit peindre au fur et à mesure, et quoi de plus beau, enfin, pour moi, étant artiste dans un registre et un domaine artistique, de demander à une autre artiste dans un autre domaine artistique que le mien, d'exprimer son ressenti par rapport à l'album et de faire ce qu'elle ressent, c'est ce qui a donné cette pochette là. Et puis aussi tous les fonds et les fonds du livret, etc., qui sont attenants là où il y a les textes et tout. C'est elle qui a fait toute cette conception d'art plastique, et je trouvais ça assez intéressant. Moi, j'aime beaucoup quand les arts correspondent, que ce soit la danse, la musique, la danse avec l'art plastique, l'art plastique avec la musique, la musique avec le, enfin avec tout, avec la photographie. Enfin, je trouve que il se dégage toujours. On a l'impression que les arts parlent un petit peu entre eux, et je trouve que ça crée quelque chose. Et voilà, j'ai laissé libre cours à l'inspiration de cet artiste, dont je recommande tout à fait le travail. Il faut que les gens aussi puissent taper sur son nom sur Internet et aller découvrir son travail. Ça vaut vraiment le coup, parce que c'est tantôt du figuratif, tantôt de l'abstrait, et j'ai trouvé que son inspiration, moi elle m'a touché sur cet album, donc j'ai choisi cette représentation sur la pochette, qui est totalement qui n'est pas figurative, hein, pour les gens qui n'ont pas vu l'album, c'est totalement abstrait, mais je trouvais qu'il y avait vraiment quelque chose qui m'inspirait. Mm-hmm, donc l'artiste, donc c'est Lydie Berido. Voilà, Lydie Berido, elle est mentionnée sur l'album, bien entendu. Mm-hmm. B-E-R-I-D-O-T, voilà, pour les gens que ça intéresse, vraiment, c'est un bel univers, un beau voyage, et je pense que c'est important aussi que j'en parle. Mm-hmm, bien sûr. Et donc, du coup, derrière la pochette, il y a un certain contraste avec, du coup, le devant il y a de la couleur, mais derrière, c'est une photo de vous. C'est d'ailleurs la photo que j'ai empruntée pour faire la publication sur notre page Facebook de Radio Gamozo, pour faire l'annonce de l'émission. Donc, c'est une photo de vous sur un fond noir. Et donc, oui. Pourquoi avoir... Est-ce que ce contraste, donc, entre le bleu et le jaune du devant et le noir de derrière, est-ce qu'il était volontaire, ce contraste ? Alors, bon, il y a un petit peu de choix esthétique, c'est sûr. Après, on laisse libre cours aussi à Eric Lipper, par exemple, qui fait tous les crédits photos, qui lui aussi a sa démarche artistique. On a choisi les photos. Et bien sûr, après, il y a toute cette symbolique qu'on ressent. On ressent beaucoup de lumière sur le recto, on va dire, avec l'abstrait, etc. Et puis, de l'autre côté, on voit quelque chose avec un fond un petit peu plus sombre, et puis moi qui regarde un petit peu en l'air, en étant un petit peu de réflexion, mais ça, voilà, ça pour moi c'est aussi, alors c'est pas tout à fait réfléchi, hein, faut être honnête, mais c'est un peu la coïncidence aussi du, comment dire, de ce qu'est l'être humain, même s'il est optimiste et tout ça, il y a toujours des moments de réflexion, des moments un petit peu plus intérieurs, plus, enfin je dirais pas noir, parce que c'est pas du tout mon état d'esprit, mais on peut avoir aussi nos zones d'ombre, voilà. Moi je dirais, la photo derrière est plus dans l'ombre que dans le noir, voyez. D'accord. Pour moi, hein, après les gens auront aussi leur ressenti, mais moi je le ressens plus comme ça, et donc ça me paraît être assez complet finalement, comme ça me ressemble en fait, voilà. D'accord. Je trouve que ça me ressemble, c'était le principal. Mmh. Et donc, du coup, toujours dans le dossier de presse, j'ai eu l'occasion de voir que, du coup, ce que vous faites dans vos morceaux, c'est que vous laissez vos notes vivre leur existence en toute liberté, dans une harmonie de bonne humeur et de dentelle mélancolique. Comment vous expliqueriez cette phrase, cette notion de laisser les notes vivre leur existence ? Alors, laisser les notes vivre, c'est aussi se permettre, par exemple, dans les morceaux un peu calmes. Alors moi, ça, j'ai appris ça dans une technique de piano un peu classique. On apprend ça, c'est que la durée d'une note, c'est, alors quand pour ceux qui jouent du piano vont sûrement comprendre ce que je dis, c'est pas forcément jouer une note et puis appuyer sur la pédale pour qu'elle tienne. Voyez, ce qu'on appelle la pédale de sustain. Vous savez, quand vous appuyez sur la pédale au pied, vous jouez une note. En fait, on apprend en classique à jouer, par exemple, une note et à la maintenir appuyée jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Et ça, c'est important parce que c'est pas la même vibration que celle qui est la vibration quand on appuie sur la pédale, qui, elle, fait résonner, si vous voulez, la table d'harmonie à l'intérieur du piano. Alors que là, c'est une autre chose qui se passe. Et donc je me permets, par exemple, dans des chansons douces, parce que c'est là qu'on peut les entendre, à parfois laisser les mains sur le piano pour faire entrer une résonance d'un accord, par exemple, qui va aller le plus loin possible, voilà, comme si les notes allaient jusqu'au dernier rang, vous voyez, de la salle. Donc c'est peut-être pour ça que des gens qui ont écrit ces mots me concernant ont dû ressentir peut-être ça. Mais c'est une volonté aussi d'aller le plus au bout des choses, voilà, c'est musicalement, tout simplement. D'accord. Et est-ce qu'il est important pour vous de traiter plusieurs sujets dans vos morceaux, différents sujets ? Au niveau des textes ? Oui. Au niveau de l'écrit ? Oui, alors, c'est toujours pareil, moi, je traite différents sujets, mais il y a quand même, souvent, je me rends compte, et des gens m'ont fait remarquer, que... On a beau écrire sur différents sujets avec différents angles et tout, des fois on écrit un petit peu sur les mêmes choses, enfin les mêmes ressorts, les mêmes grands ensembles si vous voulez. Et moi le grand ensemble qui me touche beaucoup, ce sont les relations humaines. Si vous regardez à peu près toutes les chansons, je parle beaucoup entre le métier d'optimiste et quelque chose de totalement humain. Ma chanson Ne t'intéresse plus, c'est quelque chose, voilà, c'est les rapports humains entre un compositeur et puis la personne qui partage sa vie. Après, il y a les mots croisés, une chanson, c'est pareil sur le tous les deux complices, je dis bien au-delà des mots, c'est-à-dire la complicité qui va bien au-delà de ce qu'on peut se dire et ressentir. Donc vraiment, moi ce sujet-là en fait est un peu commun, mais après c'est différents angles, et des fois il y a un angle qui peut être un peu plus humoristique, d'autres voilà un peu plus ironique, hein, parfois sur certains titres, comme par exemple le blues Et Oui, par exemple, qui est l'avant-dernier morceau, où là je me permets un petit peu d'ironie sur et j'explique sur scène au public que ben, il y a des fois on n'a pas envie d'écouter l'avis de quelqu'un sur quelque chose, et pour écourter la conversation, on le regarde, on dit « eh oui » et on s'en va. Et parce qu'il y a des phrases des fois toutes faites, des conversations qui sont mal parties, et j'avais envie de dire ça aussi. Alors ça paraît un peu plus léger comme propos, mais par contre c'est du vécu. Mais tout ça se passe dans la richesse bien sûr des relations humaines, et pour moi c'est ce qui m'importe vraiment le plus, et c'est pour ça que j'écris, que je fais ce métier-là, et que j'écris des chansons, et que je vis finalement. C'est pour tout ça que je suis en vie, parce que ne rien partager avec personne, pour moi c'est, voilà, c'est le début de la fin. Je trouve vraiment vraiment important ce partage. D'accord. Donc nous allons peut-être dépasser de quelques minutes, mais c'est pas bien grave. Donc nous arrivons déjà du coup bientôt à la fin de cette émission. Mais avant de conclure, je vous propose une nouvelle fois de nous lancer dans un dernier extrait, dans un dernier morceau de votre album, et que nous écoutions cette fois le morceau numéro 10 de l'album, morceau intitulé Home Sweet Home, un jeu de mots avec l'expression anglaise Home Sweet Home. Mais vous l'écrivez H-O-M-M-E, comme un homme et une femme, par exemple. Oui, voilà, oui. Voilà. Donc, on écoute Homme Suite Homme et on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette émission. Donc, à tout de suite sur Radio Gamozo. Quand j'aurai blanchi la terre de mon dernier soupir et qu'avec Monsieur Saint-Pierre j'aurai à m'entretenir, s'il me dit voulez-vous prendre vos ailes d'ange disciple ou voulez-vous redescendre dans le corps d'un autre type, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite. Je voudrais refaire le plein de naissance blotti contre une maman, faire des risettes pleines d'innocence, avoir les crocs sans dents devant. Homme, sweet homme, homme, sweet homme, homme, sweet homme. Quand j'aurai souillé la terre de mon dernier péché et que devant Monsieur Saint-Pierre j'aurai à m'expliquer, s'il me dit voulez-vous mettre votre habit de lumière ou continuer à traîner vos guêtres et redescendre sur terre, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite. Reprendre une dose d'adolescence sans poche ou mettre les mains, avoir des boutons d'insouciance, ne penser qu'à faire le malin. Homme, sweet homme, homme, sweet homme, homme, sweet homme. Fatiguer la terre de mon dernier soupir et qu'à Monsieur Saint-Pierre il faudra bien tout dire, j'aimerais tant lui demander de repartir en mission. Homme, femme, venez profiter de mon âme d'occasion. Je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite, je replonge tout de suite. Je veux mon quota de prise de bec et de complications. Je veux défendre mon beefsteak, bomber le torse, c'est le ton. Homme, sweet homme, homme, sweet homme, homme, sweet homme, homme, sweet homme, sweet homme. Je voudrais refaire le plein de naissance, blotti contre une maman. Homme, sweet homme, homme, sweet homme, sweet homme. Reprendre une dose d'adolescence en poche ou mettre les mains. Marc et Véa avec le morceau Homme Sweet Homme sur Radio Gamozo. Vous êtes de retour, vous êtes toujours en direct. Il est 14h presque 59 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur notre application mobile et web Orange Radio ou encore sur notre site internet partout en France et peut-être même dans les pays frontaliers. Et nous sommes toujours en compagnie au téléphone de Marc et Véa justement, qui est là pour nous parler de son tout nouvel album sorti le 12 novembre dernier, album intitulé Insolite Solo. Tout est toujours bon pour vous ? Oui, oui, oui, impeccable. Parfait. Impeccable. Donc, même question que pour les deux précédentes pauses musicales, vous êtes habitué. Désormais, quel est le message, quel est le sujet traité dans ce titre « Homme, sweet homme » ? Alors, c'est un sujet un peu léger, mais qui a quand même sa profondeur, dans le sens où, comme j'explique dans la chanson, si à un moment donné, là c'est toujours pareil, c'est sur l'humanité, si après ma mort je monte au ciel et qu'on me dit bah voilà Vous avez le choix, soit vous restez avec nous dans le paradis, avec les anges, etc. Soit vous redescendez sur Terre et vous redevenez un autre être humain. J'ai fait mon choix, je dis que je redescends sur Terre et que j'ai envie de revivre autrement l'aventure de la vie sur Terre, quoi, que ce soit dès la naissance. Après, il y a l'adolescence, je parle de l'adolescence, je parle du côté adulte, etc. Et donc, c'est une façon pour moi de dire que j'aime bien l'humanité, il faut lui donner sa chance et que c'est comme ça aussi que je vois les choses, tout simplement. Donc du coup, on comprend bien maintenant le titre Home Sweet Home, donc Home H-O-2-M-E, et Sweet pour Home Sweet Home, donc maison, douce maison, quelque chose comme ça, on comprend voilà, bien. Voilà, la maison de l'homme, d'une certaine façon. Voilà. Si on me demande de revenir, je reviendrai, avec plaisir en tout cas. D'accord. Alors c'est un petit clin d'œil, mais c'est vrai que c'est une façon aussi de l'exprimer. Mm-hmm. Je trouve que c'est une façon de le dire... qui paraît un petit peu légère, mais si on réfléchit bien, c'est exactement ce que je pense, c'est qu'on est tous relativement attachants, même dans nos travers, quels que soient nos âges, on a quelque chose à apporter aux autres et à tous. D'accord. Donc nous arrivons du coup déjà à la fin de cette émission. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas encore abordé, mais qui mériterait absolument d'être abordé? Oui. Je pense avoir à peu près tout dit, si ce n'est que moi je suis très très très touché de voir les gens qui viennent me voir de plus en plus nombreux sur scène. Voilà, sur scène je suis accompagné par trois excellents musiciens, j'ai envie de les citer parce qu'ils sont super. Il y a Robin Capuano à la basse, Philippe Carmona à la guitare et Alexandre Boulin à la batterie. Ils chantent tous les trois avec moi. Voilà, en plus ils font les chœurs, il se passe beaucoup de choses dans le spectacle et j'invite le plus de monde à venir me voir. Alors c'est vrai que parfois c'est un petit peu chaotique en ce moment dans le spectacle, mais malgré tout on arrive à faire quand même des rendez-vous. Alors pour l'instant je suis un peu dans ma région encore, dans le 34, dans le 11, etc., dans le Languedoc, mais je vais pas tarder à partir... un peu plus dans toute la France, et j'espère croiser quelques-uns de vos auditeurs, en tout cas avec plaisir. Eh bien écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc justement, si certaines de nos auditrices ou certains de nos auditeurs veulent suivre votre actualité, comment est-ce qu'on peut faire? Comment est-ce qu'ils peuvent faire? Là, il y a tout pour l'actualité. Alors c'est assez simple, il y a tous les réseaux sociaux, bien sûr, il y a le Facebook, Marc Evea, il y a l'Instagram, il y a le mon site internet, où il y a aussi il y a à la fois toute l'actualité, puis il y a aussi une boutique où on peut acheter mes albums aussi, et là c'est directement avec la production, donc c'est très sympathique, on peut avoir aussi un rapport plus direct comme ça, et puis voilà. Non, l'actualité, franchement, je pense que oui. Après il y a les clips que les gens peuvent aller voir aussi, et chaque fois il y a tous les liens qui mènent à l'actualité, puis à l'agenda bien sûr des spectacles, et qui va commencer en janvier, et qui s'étoffe de plus en plus, où il y a des spectacles qui se préparent. D'accord, donc on rappelle la production, donc c'est Bloc-Notes Production. Voilà, et le site internet c'est www.markeva.com, donc c'est très très simple. Voilà, donc EVA, H-E-V-E-A. Voilà, comme l'arbre. Voilà, tout à fait. Donc, est-ce que vous avez un dernier mot avant qu'on se quitte? En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, et puis j'espère, je souhaite à tout le monde déjà une bonne santé, et puis qu'on se sorte un peu de tout ça, grandi, et qu'on se retrouve le plus vite possible. Déjà, il faut essayer d'être un peu raisonnable, je pense, pour les fêtes, là, et qu'on soit pas embêté après cette année. En tout cas, je la souhaite très très bonne à tout le monde, et qu'on se retrouve bientôt... que les salles soient pleines, les musées soient pleins, et que la vie culturelle qui est si importante reprenne son envol. Bien sûr. Donc le message est passé. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Donc là, c'est à mon tour de vous remercier, Marc, d'avoir accepté mon invitation. D'ailleurs, ne quittez pas, je vous récupère au téléphone juste après, hors antenne. Oui, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Pour l'invitation. Avec plaisir. C'était et puis à bientôt. À bientôt. Donc cette émission sera rediffusée demain vendredi à 18h. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Concernant la suite, retrouvez les années bonheur avec Gilou d'ici un peu moins d'une heure, donc à 16h jusqu'à 17h, qui recevra par téléphone Claude Michel, qui vous parlera de son univers musical et qui vous présentera son album intitulé Mon Best Of. Quant à nous, nous nous retrouvons samedi à 13h30 pour une nouvelle édition de À la rencontre d'auteurs, comme tous les mois, dans laquelle je recevrai par téléphone Marie Laurence Villemar, qui nous parlera de son roman intitulé Derrière ces mots. Donc merci de votre fidélité à Radio Guémozo, et du coup moi je vous dis à samedi. Donc salut et à samedi.